Ce matin, quand Lily le petit lapin se réveilla, il ne trouva pas sa maman dans le terrier. Elle était déjà partie chercher des carottes pour le déjeuner. Il fait sa toilette rapidement. Vous sortez de la maison? Pour aller jouer dans la forêt. Il courut partout, sauta, se roula dans l'herbe, joua avec ses amis. Soudain, il entendit des bruits de pas et des coups de fusil. Lily se rappela que sa maman lui avait défendu de quitter son terrier car c'était l'ouverture de la chasse. Le petit lapin a eu très peur. Il se sauva très loin et se cacha dans un buisson. Pendant ce temps, sa maman rentra à la maison et ne vit pas ce petit lapin. Elle le chercha partout, mais elle ne le trouvera pas. Ah, elle était très inquiète. Elle pensa que peut-être les chasseurs l'avaient tué. Alors, elle se mit à pleurer. Lily entra dans la maison. Il était très fatigué et très sale. Elle le prit dans ses bras, l'embrassa très fort et le consola. Ensuite, elle le débarbouilla et lui donna à manger. Maman lapin était très heureuse. Quand il eut fini son repas, Lily raconta son aventure à sa mère et il lui promit de ne plus désobéir.